étoiles ivres. Viviane a les yeux qui brillent de ce chagrin sans pluie. Viviane a mal quand elle écrit, alors elle mange des nuages. Son corps enfle tout en plis de cotonneux cumulus. Et comme Eric crie encore, elle continue de vider le ciel et de gonfler d'orage et de tempête et de faire briller ses yeux comme deux étoiles ivres. Viviane a une douce nonchalance comme d'immenses champs de blé. Lassée de brûler au soleil, Viviane a une douce nonchalance, mais parfois sa voix éclate d'un joli livre soprano. Viviane a une douce nonchalance, mais on voit briller ses yeux comme deux étoiles. Ouf.